et moi, nous vivons dans la ville, nos cœurs depuis longtemps, longtemps, ont le rythme des rues, parmi tous ces regards qui se croisent et défilent, les nôtres par hasard cessent d'être inconnus. Aujourd'hui c'est toi, aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui l'amour nous a pris par le bras. Et tant pis si ça va trop vite, puisque l'amour nous invite à vivre éperdument ce qui nous attend. Aujourd'hui c'est moi. Et tant pis si ça va trop vite, puisque l'amour nous invite à vivre éperdument ce qui nous attend.